Annie Veilleux, le plus récent bulletin d'information de sport local et régional. Tim Tremblay de Saint-Jean-d'Arc va participer en fin de semaine aux dernières courses de la compétition de snowcross au Wisconsin. Le coureur de Saint-Jean-d'Arc a 28 points d'avance et il y a 3 courses en fin de semaine. Et ce matin, en entrevue sur les ondes de danazosport.com, il se dit confiant de remporter ce championnat. Oui, c'est certain que je suis confiant. Cette année, ça a très bien été. J'ai une bonne vitesse. Puis je mène le championnat depuis la 3e course, donc c'est certain qu'on veut finir ça en beauté. Là. Et dans un deuxième temps, Tim Tremblay a mentionné que le fait qu'il va disputer 3 courses, ça ne l'ennuie pas vraiment. On va l'écouter. C'est plus difficile. Pour moi, je suis content parce que c'est un gars qui est quand même en forme, puis ça va être quand même difficile physiquement parce que on course deux fois de... Parlons maintenant des Sabres de Robertval. On a dressé le bilan hier dans la section entrevue de danradiosport.com avec Jason Lejeunesse. Les Sabres qui ont été éliminés en 5 parties contre les Aiglons d'Allemagne. Jason Lejeunesse s'est quand même dit très, très heureux de la performance d'une équipe. Il estime qu'il a un bon noyau pour l'an prochain. Tout le monde est capable de revenir s'il n'y a personne d'autre là, qui va à l'école à l'extérieur et quoi que ce soit. Là, on connaît pas l'avenir de tous les joueurs. Mais oui, on devrait avoir un excellent noyau. Là, on perd seulement 2 défenseurs et 1 joueur d'avant pour l'année prochaine. Donc, on s'attend que notre top 6 à 8 là, à l'avant ne bouge pas. C'est sûr qu'à la défense, là, on perd 2 joueurs de 21 défense. Difficile, mais on risque d'avoir là, des jeunes qui poussent, là, Anthony Gagnon là, de Chambord qui est venu remplacer cette année, qui va prendre des 21. Oui, ça va être sa première année l'année prochaine, mais il a démontré qu'il était capable de jouer dès cette année avec nous. Jason Lejeunesse ne sait toujours pas s'il sera de retour avec les Sabres l'an prochain. Lui espère évidemment être de retour. Oui, je sais pas, on n'a plus la confirmation encore. Nous, on c'est sûr qu'on veut revenir avec tout ce qu'on... On a traversé. On a entamé toutes les petites échanges qu'on a faites pour se rajeunir, pour avoir une meilleure équipe encore plus l'année prochaine. Nous, c'est sûr, comme entraîneur, on veut revenir. Là, c'est le conseil d'administration des Sabres de Robertval qui ont la décision entre eux-mêmes. Nous, c'est sûr qu'on veut revenir, là, mais je pense pas qu'ils nous mettent dehors. Là. Je sais pas c'était quoi le plan, mais ils ont pas dit là, qu'ils... Dans une entrevue accordée hier à danazosport.com, le président du hockey mineur, Hugo Maltais, a mentionné que la réflexion du centre sportif Benoît Lévesque va demander beaucoup de travail au cours des prochains mois pour le hockey mineur de Robertval. Ça implique une réorganisation là, complète au niveau là, de l'horaire, là, autant des parties que des pratiques, là, parce que là, on prévoit, selon les premières prévisions, on prévoit là, fermer le centre sportif jusqu'au 1er janvier 2018. Donc, étant donné qu'on regarde pour peut-être le 1er janvier 2018, ça implique que tous les heures de glace du hockey mineur qui étaient déjà à Robertval, si possible, puissent se transférer à Mastoyache. Sachant qu'il est clair que on va en avoir moins d'heures de glace à Mastoyage qu'à Robertval, parce que de toute manière, on était fusionnés les deux arènes ensemble, puis déjà en étant fusionnés, c'était pour maximiser les heures de glace puis en avoir le plus possible dans notre coin. Donc, c'est sûr que ça va demander peut-être une réorganisation. Là. Nous, on était toujours choyés. Là. On avait toujours des pratiques à glace complète pour chacune des catégories, chacune des équipes. Mais ça peut. Et dans un deuxième temps, Hugo Maltais a mentionné qu'il pense pas que ça va amener de nouvelles inscriptions, le fait que l'aréna sera rénovée. C'est difficile à dire. Je penserais pas. Honnêtement, je penserais pas que ça augmente le nombre d'inscriptions au hockey mineur ou que ça augmente le patin ou que ça augmente le patinage de vitesse parce qu'on a un bel aréna. Tout le monde, en tout cas, il va pour dire que l'aréna est finie, là, elle est maganée, puis que c'est un plus. Mais est-ce que ça va faire en sorte que moi, je vais retrouver des inscriptions de plus? Je sais pas. Peut-être dans les autres sports. Moi, au hockey, je vais au moins maintenir, ça, c'est sûr. C'est sûr que les installations vont être plus intéressantes, puis tout va être plus intéressant. Mais moi, je pense plus que c'est au niveau là, de mes parties, du nombre de personnes que ça va amener. Moi, ça, je peut-être que là-dessus, il y a peut-être ça, ou à la ronde de Vissatome, au niveau que là, l'aréna va être plus intéressante, ça va être la dynamique, puis au niveau de la l'organisation de la ronde, c'est sûr que pour moi, ça va faire en sorte que ça va me rendre ma ronde de Vissatome, par exemple, beaucoup plus intéressante. Dans un dernier temps, comme Alter a mentionné, qu'il n'y aura pas de match l'an prochain. Des Saguenayens de matchs hors concours. Et je termine avec une nouvelle maintenant. C'était le dernier match hier entre le National de la Baie et la formation des Hurricanes de Mastouillache hier. Et Mastouillache a éliminé le National, ce qui fait en sorte qu'on aura une série qui aura lieu entre la formation des Rapides de Boumsisny et les Hurricanes de Mastouillache. Ça devrait commencer la semaine prochaine. J'invite à écouter la section entrevue de DanRetroSport.com. Hier, je me suis entretenu avec Jason Lajeunesse. On fait le bilan des Sabres de Robertval. Hugo Maltin vient nous parler du hockey mineur également de l'endroit. Et vous pouvez également écouter la chronique de la NBA avec Pascal Jobin. Le sport local et régional à DanRetroSport.com. On s'en occupe.